Qu'avez-vous fait de la lettre d'Aglaï Ivanovna, monsieur Lebedev? Rien. Elle est sur moi. Cette lettre ne peut rester entre vos mains. C'est pourquoi je vous la remets, très estimé prince. Mais cette lettre est destinée à Gabriel Ardalionitch, et non à Anastasia Philippovna, comme vous me l'avez dit. Vous ai-je dit vraiment qu'elle était destinée à Anastasia Philippovna? Mais naturellement! Ah, alors je me suis trompé. Mais qu'importe d'ailleurs à qui cette maudite lettre est destinée, prince. L'essentiel, c'est que je suis de nouveau tout à vous. De la tête aux pieds, votre dévoué serviteur, après vous avoir trahi un moment, il est vrai. Suppliciez mon cœur, épargnez ma barbe, comme le dit Thomas Morus. Cette lettre doit être immédiatement remise à Gabriel Ardalionitch. À cette canaille? Oh, ouvrez-la d'abord et prenez connaissance de son contenu, honorable prince. Est-il possible de tomber aussi bas que vous, monsieur Lebedev? Ah, en effet, je suis bien bas. Je suis plus bas que terre. Vous n'êtes qu'un délateur. Et pourquoi avoir écrit des lettres anonymes? Pourquoi avoir inquiété le général Yepanchin? Qu'espériez-vous donc obtenir? Mais rien, honorable prince, je vous le jure. Seul le désir de me rendre utile m'a poussé à envoyer à madame la générale des lettres anonymes et, ce matin, à lui remettre la lettre de sa fille que j'avais adroitement interceptée. Mais à présent, je vous le répète, je suis tout à vous. Dussiez-vous me faire pendre? Et vous vous êtes présenté chez madame la générale Yepanchin avec cette jaquette sale, ces chaussures pleines de boue et vous-même puant l'alcool? Non, j'étais beaucoup plus frais, Dieu me soit témoin. C'est seulement après avoir subi l'humiliation que vous savez que je me suis mis dans cet état. Ah, c'est bon, c'est bon. Allez vous dessouler, monsieur Lebedev, et laissez-moi seul. J'ai besoin de solitude et de calme. Adieu, monsieur Lebedev. Mais je comprends, prince sérénissime. Et je m'en vais. Je me permettrai seulement de vous répéter. À présent, je suis de nouveau votre dévoué serviteur. J'ai bien l'honneur de vous saluer, prince. Lebedev enfin parti. Je me posais toutes sortes de questions à propos de la lettre d'Aglaé qui me brûlait les doigts. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Aglaé avait écrit à Gabriel Ardalionitch. Aglaé devait se trouver en proie à une grande inquiétude pour s'adresser à lui, me dis-je d'abord. Mais aussitôt, j'abandonnais cette supposition. Aglaé, connaissant le caractère de Gabriel Ardalionitch, pouvait-elle se confier à lui? Non, elle ne le pouvait pas. Alors, il ne s'agissait pas d'une inquiétude ou d'un tourment. Peut-être, sachant Gabriel Ardalionitch malheureux à sa façon, voulait-elle le consoler un peu en lui envoyant une lettre de sympathie? Cette deuxième supposition me parut plus plausible. Mais elle ne me satisfaisait pas entièrement. Une jeune fille bien élevée telle que l'était Aglaé ne pouvait pas envoyer un billet clandestin à un jeune homme dans l'unique souci de le réconforter. J'abandonnai donc cette deuxième supposition. Et ce faisant, je sentis la fièvre s'emparer de moi. J'avais la gorge sèche, les mains glacées. La sueur me mouillait le dos. Je saisis la lettre d'Aglaé et je sortis précipitamment. Une fois dehors, je regardais de nouveau avec terreur la lettre cachetée. Cependant, l'idée de la déchirer en petits morceaux et de mettre ainsi fin à mon angoisse ne me vint pas. J'étais décidé à la porter à Gabriel Ardalionitch. En cours de route, je rencontrai Kolia, son frère cadet. Tiens, bonjour prince. Quel bon vent vous amène dans le parage. Bonjour Kolia. La santé de votre papa s'est-elle améliorée? Non, il est toujours aussi malade. Je vais justement chercher un autre médicament que le docteur a prescrit. Peut-être devrais-je aller le voir? Non, ne le faites pas, prince. Le médecin interdit les visites. Vous avez vous-même mauvaise mine. Vous devriez vous soigner. Autrement, un jour, vous finirez comme papa. Faites attention, prince. Mais je m'en vais. Ce médicament doit être prêt. Une minute, Kolia. J'ai un billet pour Gabriel Ardalionitch. De la part d'Aglaé Ivanovna. Elle a tort d'écrire à mon frère. Mon frère est une canaille. Je ne devrais pas parler mal de lui, mais c'est en grande partie de sa faute si papa est dans le coma. S'il n'a pas eu pitié de papa, pourquoi voulez-vous qu'il ait pitié d'Aglaé Ivanovna? Il cherche à la tirer dans ses filets, et le jour où elle y tombera, c'en est fait d'elle. Il se vengera sur elle de tous ses déboires. Non, prince. Déchirez cette lettre, ou permettez-moi de la déchirer, ça vaudra mieux. En tout cas, cela vaudra mieux pour Aglaé Ivanovna. Mais non, c'est impossible, Kolia. On ne déchire pas des lettres qui ne vous sont pas destinées. Tout à l'heure, Monsieur Lebedev m'a donné le même conseil. Je ne suis pas Monsieur Lebedev, prince. Je sais bien que ce ne sont pas les mêmes motifs qui vous guident lorsque vous me proposez de détruire la lettre d'Aglaï Ivanovna. Mais je vous le répète, personne n'a le droit de déchirer une lettre qui ne lui est pas destinée. C'est bon. Alors donnez-moi cette lettre. Je vais la remettre à mon frère Gagne. Que Dieu veuille que vous ne regrettiez pas un jour vos scrupules puérils. Adieu, prince. Resté seul, je songeais mollement à rendre visite à Hippolyte, puis à une vieille dame à qui je versais je ne sais pourquoi 50 roubles par mois. Soudain, je me dis avec consternation que malgré tous mes efforts, les liens qui m'unissaient au monde extérieur demeuraient bien fragiles. Cette constatation me remplit de tristesse. Je fis deux fois le tour de la ville. Les heures passèrent. Le soir, en rentrant chez moi, je me heurtai de nouveau à Lebedev. 8 heures viennent de sonner, honorable prince. C'est encore vous, Lebedev. Je ne veux pas de vous, allez-vous-en, ouste. Oh, j'aurais étranglé tout autre que vous qui aurait osé me traiter ainsi. Mais de vous, prince, j'accepte tout. Car vous êtes un saint, prince. Et si un saint se met en colère contre quelqu'un, c'est que ce quelqu'un est coupable. Pardonnez mon emportement, monsieur Lebedev. Je suis vraiment fatigué. Mais vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi. Je suis votre humble serviteur. On punit les serviteurs, on ne leur fait pas d'excuses. Ah, laissons cela. Je vous répète, 8 heures viennent de sonner. Or, la soirée que donne en votre honneur Madame la Générale Yepanchine commence à 9 heures. Vous avez raison, monsieur Lebedev. Jamais je ne serai à 9 heures chez Madame la Générale. Je dois changer de toilette. Je me demande si seulement mes souliers sont cirés. Ils le sont, prince. Et votre habit, épousseté et repassé, vous attend. Venez, très estimé prince. Je vais vous aider à vous habiller. Pour vous, je me transformerai, moi, un fonctionnaire d'État, en valet de chambre. Et grâce à la sollicitude de Lebedev, à 9 heures précises, je pénétrai dans le grand salon de Yepanchine, lavé, coiffé et vêtu de mon habit de soirée. Oh, je parie que ce jeune homme est le prince Michkine. En effet, c'est bien lui, ma chère amie. Mais il me semble que votre voix trahit une déception. Rien n'échappe à votre perspicacité, baron. Oui, je suis déçue. Je m'attendais à voir un original, un bohème, comme disent les Français. Or, le prince Michkine a l'air d'un homme du monde. Il est habillé fort convenablement, et mon Dieu... Poursuivez, comtesse. Eh bien, baron, si le prince Michkine m'avait demandé la main de ma fille Olga, je ne le lui aurais pas refusé. Après tout, vous avez raison. C'est un parti non négligeable. Surtout que le prince vient d'hériter 1 500 000 roubles. Hélas, je crains bien qu'il ne demande jamais la main de votre délicieuse fille Olga, vu qu'il a déjà demandé celle de la fille cadette de la générale Yepanchine. Vous êtes ridicule, baron. Je plaisantais. Pour tout l'or du monde, je ne marierai pas ma fille à ce simple d'esprit. Silence, comtesse. Ce simple d'esprit marche résolument vers nous. Peut-être changeant d'avis, va-t-il demander quand même la main de votre fille Olga. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, Liliane Bell, la comtesse Chouvalov, Georges Leroy, le baron Lauschwig, et Jean-Jacques Delbault, Lebedev. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.